Je voudrais vivre à l'hôpital. Je suis sûr que j'y aurais moins mal. Mais je reste seul chez moi. Et j'imagine être avec toi. Je souris, je soupire et je pleure. Pauvre con que je suis. Je ne suis qu'un marchand de malheur comme Budapest en Moldavie. Je te retrouve au bloc national. Tu parles de la demi-molle. Tu compares le sexe de ton copain au mien. Et je parle de l'acropole. Et toi, tu n'es plus si belle. Tu ressembles à une galaxie trop claire. Tes deux sphères ne m'attirent plus. Ton sourire me tue, misère. Dans un an ou dans un siècle, pauvre petite conne. Dans un an ou dans 10 siècles, pauvre petite conne. Ta mère est une maladie, ton père est un parapluie, ton frère est un cœur troué, ton chat est une MST. Et toi, qui es-tu pour nous dévisager? Qui es-tu? Que cherches-tu dans mon passé? Ta mère est une nazie, ton père est une parodie, ton frère est un fromage périmé, ton chat est une dent cassée. Moi je suis un bel hôpital, ma mère est une bouteille d'eau minérale. Je suis amoureux d'une symphonie, belle comme la Hongrie. J'aimerais ne pas te connaître, que tu n'existes que dans ces lettres. Marguerite, tu n'es pas née aujourd'hui, tu existes pour la première fois de ma vie. Les autres hommes s'arrachent ton corps, tes gros seins, ils les adorent. À moi, ils ne me manquent pas, au final, je crois que je n'aime pas ça. Marguerite, tu n'écouteras jamais ça. Pauvre conne que tu es, je ne sais même pas si tu comprends que je te parle à toi. Tu veux me montrer tous les jours ta grande tour de Babel. Tu essaies de me prouver toujours que tu restes belle. Mais qui es-tu pour nous dévisager? Qui es-tu? Que cherches-tu dans mon passé? Mon sang coule dans mes veines, il ne s'arrête jamais. Parfois ma cervelle est pleine, elle est ensanglantée. Alors j'aimerais en parler à quelqu'un, mais tout le monde est mort. Je me découpe les doigts et coupe ma main, mais tout le monde dort. Sans main, je ne pourrai plus jamais acheter de vin. Ça me fera peut-être du bien, je vais peut-être pas y rester. Chérie, est-ce que tu as vu mes mains? Chérie, j'en ai besoin. Marguerite passe à la maison et elle a oublié son blouson. Elle a oublié son blouson. Elle a oublié son blouson. Elle a oublié son blouson. Ça va? Je suis sûr qu'il fait chaud. Vous n'avez pas une place pour moi? Il fait froid dans le dos. Je suis sûr qu'il y a des femmes. Je sais qu'elles sont nues. Laissez-moi venir, je vous ai vu. Laissez-moi, laissez-moi. Laissez-moi, laissez-moi. Laissez-moi, laissez-moi. Laissez-moi, laissez-moi. Laissez-moi, laissez-moi. Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Je suis sûr qu'il y a des femmes, je sais qu'elles sont nues. Laissez-moi venir, je vous ai vu. Laissez-moi, laissez-moi, oh laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi, oh laissez-moi, laissez-moi.